Franchement, je n'attendais pas grand-chose de cette seconde partie de Rebel Moon, tant j'avais trouvé la première partie sans grand intérêt. Et pourtant, j'ai été surpris, car aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai trouvé ce second film meilleur que le premier, malgré le fait qu'ils ont été tous les deux tournés simultanément. Ceci dit, cela ne veut pas dire pour autant que ce second opus est un chef-d'œuvre, loin s'en faut. Au mieux, c'est un film agréable et divertissant, au pire un navet, selon les avis et les goûts de chacun, mais pas beaucoup plus. D'autant plus que l'on retrouve, sans grande surprise, la plupart des défauts du premier film. Des ralentis souvent superflus, une bande originale peu mémorable, un manque flagrant d'originalité ou encore des effets spéciaux qui font trop souvent peine à voir. C'est à se demander où sont passés les 160 millions de dollars environ de budget, probablement davantage dans les cachets des acteurs et du réalisateur que dans le reste des films. Quant au scénario, je dois reconnaître que mes prévisions étaient beaucoup trop ambitieuses, car il s'avère bien plus simple que prévu. Mais au fond, ce n'est pas plus mal, car avec un récit simplifié qui se concentre que sur une seule planète et une seule menace à venir, au lieu de nous balader aux quatre coins de la galaxie juste pour faire des scènes spectaculaires et recruter les quelques mercenaires qui viendront défendre le village, cela devient forcément plus facile de se concentrer sur l'essentiel, notamment les personnages. Ainsi, nous en apprenons donc un petit peu plus sur ces derniers, y compris sur Kara, tout en devenant légèrement plus attachant. Cependant, ne vous attendez pas à un travail d'écriture profond ou à de grandes révélations. Il s'agit plutôt de quelques petites scènes sympathiques ici et là, ainsi que d'une séquence où chacun raconte son passé à la veille de la grande bataille. Et justement, parlons-en de cette grande bataille. Cette fois-ci, pas de traître dont l'identité était prévisible, ni de combat qui s'avère finalement futile puisque le méchant n'était pas réellement mort. Non, cette fois-ci, il y a des pertes, certaines étant même assez significatives, et un réel enjeu. Toutefois, cela n'empêche pas les ralentissements excessifs, et oui, encore et toujours, les actes de bravoure, les explosions, les effets spéciaux peu convaincants, le suspense artificiel, ainsi qu'un nouveau combat final entre notre héroïne et le méchant, tous deux usant de grandes épées lumineuses qui découpent tout sur leur passage. Malgré tout, c'était plutôt plaisant. En fait, je dirais même que la saga Rebel Moon, le réalisateur ayant annoncé avoir prévu plusieurs films, aurait dû débuter avec ce second volet. En effet, en apportant quelques ajustements au premier film, en éliminant les ralentissements qui alourdissent la durée des métrages, en retravaillant et en améliorant l'ensemble, si possible en réduisant légèrement les salaires pour le bien du film et en ramenant le talent du Zack Snyder d'antan, et enfin en plaçant l'histoire du second volet au cœur du récit, il aurait certainement été possible de produire un seul bon film d'environ 3 heures. Et ça tombe bien, c'est justement ce qui était prévu à l'origine. Sauf que Netflix aurait estimé que ce serait trop long. Par conséquent, le scénario prévu pour un seul film a été coupé en deux volets de 2 heures. Cela dit, ça n'excuse pas pour autant le résultat très décevant produit par Zack Snyder. En conclusion, et à ma grande surprise, Rebel Moon 2 s'avère être meilleur que le premier, mais pas de beaucoup, soyons honnêtes, ce qui n'est pas vraiment un exploit. Cependant, même si cela ne suffit pas à rendre ce diptyque mémorable, ces deux films illustrent bien la manière dont Netflix semble gérer ses productions, en utilisant leur fameux algorithme pour créer du contenu qui plaira au plus grand nombre. Par conséquent, le résultat ne peut être que moyen, uniforme, déjà vu, au mieux plaisant, mais vite oublié.